C'est bizarre comme Buzard avait raison. Une vie bas de gamme, et ce, en toute saison. La vie défile à vitesse grand V, comme ce putain de TGV dans lequel je mettrai jamais les pieds. Trop cher, de toute façon tout est trop cher. Le constater me fait trop chier. Quand les intérims m'envoient en mission, je sais que survivre au quotidien est ma vraie mission. J'en ferai pas une émission avec Pernod. Préfère envoyer mes soucis dans une bouteille de Pernod. Et je m'en fume l'esprit au THC, même si je sais que pour la santé c'est TTC. Tu vois, la TVA te permet de rêver que devant la TV. C'est déprimant mais c'est la vie, t'as vu. Pourquoi une deuxième chance? Regarde, ils ont réitéré. À défaut des fumées, j'ai dû tirer un trait. Le système, plus tu le refuses, plus il te cartonne. Et si tu le contournes, il t'emprisonne. J'aimerais tant qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Mais pour ça, faudrait que se réveille l'opinion en public. À l'heure où tout est privé, nous on est privés d'accès à leur propriété, c'était à prévoir. Et faut qu'on s'en remette corps et âme et budget à des gens qui payent l'ISF et qui veulent pas bouger. Vous l'aurez voulu, on vous fait plus confiance. Et on voit bien toutes vos manigances. Vous qui vous gavez et partagez la France. La loi du peuple, vous connaissez la sentence. Vous l'aurez voulu, on vous fait plus confiance. Et on voit bien toutes vos manigances. Vous qui vous gavez et partagez la France. La loi du peuple, vous connaissez la sentence. C'est un plat qui se mange froid à l'heure du réchauffement. Ta condition se détériore au profit d'autres qui s'améliorent. Les grosses boîtes délocalisent à tour de bras. Ils voudraient à terme que tu deviennes chinois. J'y vois rien de bon pour demain. Ils voudraient aussi te verser un salaire de roumain. Le superflu vaut plus rien mais l'essentiel te saigne. Ils voudraient que tu finances leur maison de vacances en Sardaigne. Que t'aies fait le cancre à l'école, pour eux c'est du bonus. Que tu comprennes pas ce qui t'arrive, c'est ce qu'ils veulent le plus. Que tu te retrouves avec pour seule défense ta rage. Que tu dérapes pour qu'ils te mettent en cage. La monarchie déguisée en démocratie dirigée. Désormais, c'est plus pour mais contre qu'il faut voter. Les affiches FN pullulent et ces pustules s'affichent en plus. Ils ont appelé la marine à la rescousse. Vous l'aurez voulu, on ne vous fait plus confiance. Et on voit bien toutes vos manigances. Vous qui vous gavez et partagez la France. La loi du peuple, vous connaissez la sentence. Vous l'aurez voulu, on ne vous fait plus confiance. Et on voit bien toutes vos manigances. Gavez et partagez la France, la loi du peuple, vous connaissez la sentence. 19h, Castaldi, 100 contre 1, c'est fait. 21h, les candidats 1 contre 100 sur TF1. Les présidentielles façon reality show. Ou quand faire un choix réaliste devient super chaud. Car les jeunes focalisent sur leurs conneries, plus que les études. Ils voudraient que ça devienne une habitude. Leurs idées cadrent sur le fait qu'il y a trop de cadres. Ils voudraient qu'on arrête de prendre du grade. Ta couleur de peau dérange encore mon frère, je t'assure. Ils veulent avant tout une France pure. Ils me prennent pour un dingue. Et de ce point de vue, je suis tout seul. Et ils voudraient que je ferme ma gueule. Mais je peux pas, je veux être acteur plus figurant. Et pour réussir, je ferai pas le bossu comme le Figaro. Vous l'avez voulu, vous l'avez mon plus grand mépris. Pour vos idées conservatrices et vos règles établies. Vous l'aurez voulu, on vous fait plus confiance. Et on voit bien toutes vos manigances. Vous qui vous gavez et partagez la France. La loi du peuple, vous connaissez la sentence. Vous l'aurez voulu, on vous fait plus confiance. Et on voit bien toutes vos manigances. Vous qui vous gavez et partagez la France. La loi du peuple, vous connaissez la sentence. Vous l'aurez voulu, vous l'aurez voulu. Pour les ouvriers qui toute la journée triment. Et toutes ces petites mains qu'on oublie au fond des usines. Qu'on subisse ou qu'on subsiste, cette France est matérialiste. Comme cette balle logée dans ton chargeur. Le jour où je pars de là, ça va faire un malheur.